Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. En direct des studios de C'est fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les palmarès C'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 23 au 29 novembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine au Palmarès C'est fou, on a quelques nouvelles entrées, là, des bonnes pièces à entendre pour vos oreilles. On a Slow King avec Vicinity, on a 01 avec C'était la première fois, Hot Springs, Fantôme Dinosaure, Bruno Marsil avec Tout le monde parle, The Go Team avec Grip Like a Vice, mais on commence par la formation Les Chiens. Voici à l'instant même le troisième œil au Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Yeah. The Go Team et Grip Like a Vice. Ça vient de leur album Proof of Youth. C'est une nouvelle entrée en 15e position anglophone. Et une autre nouveauté, c'était du côté francophone. Les Chiens avec le troisième œil. Ça vient de leur anthologie Le Long Sentier. On est rendu à nos 14e position. C'est nouveau des deux côtés. Slow King avec Vicinity. On commence par 0-1. Voici, c'était la première fois au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'était la première fois que je voyais le plus fort l'amour. Si on peut appeler ça, pour l'amour. C'était la première fois que je voyais le plus fort l'amour. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Je ne pouvais détacher mon regard du dégradant spectacle de cet accouplement bestial. C'était la première fois que je voyais le plus fort l'amour. Si on peut appeler ça, pour l'amour. Reason that conquers. Et 14e position des palmarès, c'est Fou Slow King avec Vicinity du côté anglophone. Et juste avant, c'était 0-1-1 avec C'était la première fois. C'est un simple, un single, comme on dit en français des fois. Donc ça, c'est les 14e positions. Déjà, les numéros 13, on saute par-dessus le côté anglophone. C'est Kman avec All Time High qui monte de 2 positions. Mais tout de suite, voici Hot Springs et Fantôme Dinosaure au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM, dans vos oreilles. Restez là plus tard, je fais tirer un album, un vinyle. Personne pour dire merci. Tu graissais le corps pendant 15 ans, 138 000 réchauds de café. Un jour de pluie a sacré le camp. Est parti, la caisse aussi. Quand elle décide que c'est assez, quand elle décide que c'est son tour, il y a toute une armée de vautours qui part en peur pour la poignée. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à télé. Le soir que ça s'est passé, faisait chaud. C'était la fin de l'été. Il y avait la police, les journalistes, puis la TV. Tous ceux qui venaient, est-ce qu'on le voyait souvent? Des questions pour faire peur aux enfants. Il y avait les Robidoux, les Ménards, la blonde de Gaëtan. Il y avait un grand cordon jaune, puis tout le monde qui regardait vers son appartement. C'est clair qu'il était pas bien, c'est sûr qu'il était rendu trop loin. Juste à le regarder, on avait le goût de broyer. Gros comme un pouls, blanc comme un drap. La vie avait avalé le pauvre gars. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Ça se trouve, on va penser à tirer maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va penser à tirer. Oh oui, oh, Bruno Marsil avec la pièce Tout le monde parle en 12e position francophone. Juste avant, c'était la 13e position francophone, Hot Springs avec Fantôme Dinosaure. Toutes les deux, c'est des nouvelles entrées. Du côté anglophone, on a sauté par-dessus la 13e, Kmon avec All Time High qui monte de 2. Et en 12e, c'est aussi une montée de 2 pour The Consecos et Raised by Wolves. Maintenant, on saute par-dessus les deux numéros 11. Oui, du côté anglophone, c'est Better Friends Than Lovers avec Teeter qui est stable. Et du côté francophone, c'est une montée de 2 places pour Colette avec Soap Opera. En 10e, du côté anglophone, c'est Band of Rebels avec When Power Came to Canada qui monte de 3 places. Et du côté franco, c'est Major Bidet avec Les Mouches. On saute par-dessus tellement de trucs, ça n'a même pas d'allure. On devrait aller à nos 9e positions, tiens, pourquoi pas. Du côté anglophone, c'est... oui, du côté anglophone, la 9e, c'est Stars avec Bitches in Tokyo. Mais du côté francophone, on s'en va entendre dans quelques secondes, le Husky. Mais restez avec nous parce que plus tard, on va vous préparer là, des petites surprises, tiens. C'est comme un sac à surprises, dans le fond, les palmarès. C'est fou, tu sais, il y a des affaires mauvaises, genre des hosties, ça arrive. Mais il y a aussi des jujubes, des choses bonnes pour la bouche. Tout de suite, voici le Husky et David Bowie au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Dans les rues, donne-moi un marteau. Je m'en vais me construire un bateau. Avant de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, je veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. Je commun. On prend un peu de bon temps. Amène ton cœur ici et ton corps que j'adore. Oublions nos vies jusqu'à la fin de la nuit. Avec Bitches in Tokyo, c'est la 9e position anglophone, descend de 6. Et juste avant, c'était le Husky avec David Bowie qui, elle aussi, descend de 6, de la 3e à la 9e. Après la pause, c'est nos 8e positions. Jérôme Minière et Jessica Hoop au Palmarès C'est Fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Vous écoutez les Palmarès C'est Fou et on continue avec nos positions numéro 8. On commence par Jérôme Minière. Voici Train au 89.1 FM. chose revenue d'à peu près toute croyance. L'existence, un désert immense. Enfin bon, la nuit parvient encore à nous faire croire un tas de choses, un tas de choses. Avoir été cynique n'a pas suffi. Il faut se rendre à l'évidence. De croire un tas de choses comme un enfant, un débutant, un tas de choses. Les trains deviennent ennuyeux à la longue. Cela ne ressemble plus au premier voyage. Come on, child, call your flow like a seed of wonder, faith and mustard. Oh, yeah, whoa, yeah. All is dark, it's dark, the light is vanished. It's gone, it's something large, soaring high, has covered up the sun, something quiet. A wish as barnacle. Oh no, oh, oh, oh. All I want is to be right in, to be right in. All I want is to be right in. And it wasn't once that wish did land like a star in my hand. It burned and it burned and it burrowed in a sword through the source searching. Hammer and ping and tap my virgin spring. And find the vein with milk and mother. When my river bed grows strong upon said thread, the starry beams of light is working under. Digging through the dark outer and particles, finding everything you ever wished for in your soul. Like a seed of wonder, faith and mustard. Oh yeah. Yeah. on, baby, come on, child, call your flow like a seed of water, faith and mustard. Oh yeah. Jessica Hoop et Seed of Wonder en position numéro 8, remontée de 4 places sur les palmarès. C'est fou, ça vient de l'album Kismet. Et juste avant, c'était Jérôme Mignard avec Trains, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière en 15e position. Et maintenant, c'est en 8e. Donc, ça va très bien. Ça a fait comme un saut d'une moitié de palmarès. Hein? C'est quand même beau. L'album s'appelle Cœur. On est rendu à nos 7e position. Je crois que c'est mes préférés cette semaine. Du côté anglophone, c'est Five Blank Pages avec She Sleeps Soundly. Mais on commence par Gatineau avec Back in the Days. Tantôt, on a entendu Stars. Et là, je suis un petit peu en retard. Je voulais le faire à côté de la pièce. Ça aurait été comme plus logique, mais vous les avez entendus, donc vous savez c'est quoi. J'ai entre mes mains. En fait, entre mes mains et... Très, c'est comme large. C'est ce que je voulais dire. J'ai un album vinyle. Oui, c'est ça qu'elle a dit. L'album vinyle de Stars qui s'appelle In Our Bedroom After the War à vous donner. Tous les gens qui écoutent en direct le vendredi soir, vous, millions d'auditeurs. Donc, c'est leur album qui suit leur précédent qui s'appelait Set Yourself on Fire. Ça a été mixé par Joe Ciccarelli qui travaille avec Morrissey et The Shins. Et il y a le single là-dessus, The Night Starts Here, et aussi Take Me to the Riot, et la pièce qu'on a entendue tantôt, Bitches in Tokyo, qui est absolument adorable, et qui a des millions de fans aussi, un peu comme les palmarès, c'est fou dans le fond, Stars, puis c'est pareil. Donc, et aussi, à l'intérieur du vinyle, dans l'album, là, il y a un code pour aller télécharger de façon numérique cet album-là, gratuitement. Donc, on vous donne ça, ça vaut super beaucoup, là. C'est un bel album vinyle. Il y en a plus beaucoup, là, puis il faut avoir la machine pour le jouer, mais même sans l'avoir, c'est juste un œuvre d'art en tant que tel. Je trouve ça tellement beau. Stars in Our Bedroom After the War, à vous donner, vous, à la maison, où que vous soyez, téléphonez-moi au 819-376-5183, le 819-376-5183, aussitôt que je vous donne le signal. C'est seulement pour les auditeurs du vendredi soir, donc les autres, oubliez ça. C'est Stars, pour vous, dans vos mains. Appelez-moi tout de suite, pendant qu'on s'en va entendre. Attends, pas tout de suite, le signal. Voici Gatineau et Back in the Days. Maintenant, le signal. Maintenant. C'est bon pour moi. Back in the Days. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Back in the Days. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Back in the Days. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Back in the Days. C'est bon pour toi. Tout ça a commencé il y a une couple d'années, ça coûtait. Dans ce temps-là, il y avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. Si, bon, bon, moi, back in the day. Si, bon, bon, twist. Si, bon, bon, moi, back in the day. Si, bon, bon, twist. Dans son réel, j'fais ça ma façon. J'fais ça frais, c'est pas dans maison. Un saut à petite house comme combinaison. Back in the day, pas tant d'avantage. Back in the day, avec mon ghetto blaster. Ces instrus de cool maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool à maudit. Je rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois que j'ai, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, j'rappe des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tant des hip-hoppers. Back in the days, I'm a girl. On peut s'avancer. Des PMD, Grandmaster Flash. Pouze d'après-midi, j'ai le sound dash. J'fais du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ces vainqueurs. Back in the days, c'est mon ghetto blaster. You live in the past, man. Our hearts are born in all sounds. It's so hard to trust. So our hearts are born in you sounds. Les 7e positions, mes positions vedettes de cette semaine. She Sleeps Soundly de Five Blank Pages en 7e anglophone. Et juste avant, c'était le côté francophone. Gatineau avec Back in the Days, remonté de 2 places. Ça fait pas l'unanimité, Gatineau, apparemment, mais moi, je trouve ça bien. C'est bon, pour moi. Dans mes oreilles, ça sonne bien. On est rendu à nos 6e positions du côté anglophone. C'est Pacifer avec Queen Bee qui monte de 4 places. Et du côté francophone, avant, voici Alexandre Champigny qui aspire un petit peu une pièce qui se nomme Aspiration. Ah! Au palmarès, c'est fou au 89.1 FM! Après la pause, Pacifer, Steve Hill et Tricot Machine. Arriba, arriba. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, et tout de suite, voici la position numéro 6 anglophone. C'est Bossy Fur et Queen Bee. Restez là, parce qu'après, on parle à... Tricot Machine. Savez-vous tricoter? Non. This lady got the thickness. Can I get a witness? This lovely lady got the thickness. Can I get a hell yeah? Grab them saddlebags and toss them over me, let's ride on. Cipher avec Queen Bee, 6e position anglophone, montée de 4 places, 3e semaine de présence. L'album, c'est Bee is for Vagina. Oh, il y a des gens outrés en studio. Et juste avant, c'était du côté francophone, Alexandre Champigny avec Aspiration, contrairement à ce gars-là qui fait des expirations. Donc, la pièce Aspiration de l'album Bouddha Cinérose, c'était la 8e la semaine dernière, aussi 3e semaine. On est déjà rendu à nos 5e positions. Du côté anglophone, c'est Steve Hill, mais avant... Ça va être Tricot Machine. Et avant d'entendre Tricot Machine, j'amène en studio avec moi, là, par la magie de la radio, Elisabeth Marino. Hey, salut Mathieu, ça va? Hey, oui, et toi? Ah, oh, super! Yeah! Donc, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, là? Ben là, je sais pas trop, là. Je me suis réveillée puis j'étais rendue dans le studio. C'est surprenant, ça. Habituellement, quand je viens dans le studio de C'était Fou, ben c'est pour parler du Zone Campus. Habituellement. Mais là, c'est pas ça, là. Mais si là, c'est bien. Pas ça. Non. Parce que là, on a. Je sais pas si tu te souviens, Mathieu, mais lundi, on a rencontré des. Une certaine Catherine Leduc et Mathieu Beaumont, je pense. Ça me dit quelque chose, ça, vaguement, là. Ouais, tu sais, on les avait vus comme la veille, à Tout le monde en parle, ou est-ce qu'ils s'étaient fait un petit peu écorcher, là, une entrevue. Tu sais. Bref, nous, on les a rencontrés. On a rencontré Tricot Machine, puis on s'est aventuré dans d'autres avenues, un peu, tant qu'à nous, un petit peu plus exploratrices. Puis on a parlé de des changements et tout, et dans le fond, on va écouter ça dans pas long. De leur vie, dans le fond. Leur vie, oui. C'est ça. Tu sais, des gens qui ont de l'air si heureux. Mm-hmm. On sait pas, tu sais. Mais puis là, tu sais, j'aurais pu leur demander aussi, savez-vous tricoter, dans le fond. Ouais. Pensons-y un peu. Savez-vous tricoter? À vos aiguilles. Je suis en compagnie d'Elisabeth pour faire une belle petite entrevue avec Tricot Machine. Ben bonjour. Bonjour Tricot Machine. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes venu porter votre démo à Cefou il y a quelques mois de cela? Il y a plein de choses qui ont changé, mais on s'en rend pas vraiment compte. T'sais, tout ça, ça roule tout seul, ça va vraiment vite, mais on le voit pas aller vraiment. Ce qui a changé, je sais pas vraiment. Catherine, toi, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves que j'ai changé? Je pense que, tu sais, ça dépend aussi de la façon que tu prends ces choses-là. Puis je pense que nous deux, ensemble, on est assez terre à terre. Fait que ça, on devient pas fou avec ça, là. Des fois, on a un peu peur, tu sais, parce que c'est un peu peurant, là, des fois, de dire que tu passes à la télé, puis il y a du monde qui te reconnaisse, tout ça. Mais à deux, on se rassure, là. Bon, mais là, ça, c'est comme les côtés plus bizarres de l'affaire. Sinon, c'est vraiment, vraiment le fun, ce qui arrive. On trouve que on est des privilégiés, là, vraiment, là, de pouvoir vivre quelque chose comme ça. En si peu de temps, dire que, tu sais, on a de la misère à comprendre vraiment, là, peut-être parce que c'est très près de nous autres aussi, là, ce disque-là, puis ce projet-là. Mais c'est un peu fou, des fois, j'y pense, là, puis ça n'a pas de sens, là. C'est 7 mois, puis hier, on était à Tout le monde en parle, on a gagné des Félix, tu sais. Puis on a gagné, en fait, 7 prix en 7 mois. Puis c'est épeurant parce que tu sais pas trop où ça va te mener, tu sais, si ça va s'arrêter, comme, du jour au lendemain, ou si... Je sais pas, en tout cas. C'est toute une aventure, toute une folle aventure depuis cette journée étrange où nous avions décidé de venir porter notre démo assez fou. C'est une longue réponse, ça, Catherine. C'était quoi le déclic qui a fait que vous êtes devenu populaire? On dirait que c'est arrivé comme du jour au lendemain, dans l'oreille des auditeurs, là, c'est arrivé d'un coup. Je sais pas vraiment c'est quoi qui fait qu'on est devenu comme populaire. En fait, tu sais, c'est vraiment relatif, là, tout ça. Là. On est chanceux que ça marche. Là. La probabilité que ça puisse marcher est quand même faible. Puis là, ça marche, puis tout ça. Mais là, c'est sûr qu'on a passé à la disque, tout le monde en parle, là, monsieur puis madame, tout le monde peut plus nous connaître. Mais en fait, il n'y a pas grand monde qui nous connaisse. Là. Les gens, ils pensent que... En fait, les gens se disent « Ah, Tricot Machine, c'est la révélation de l'année », mais ils savent pas c'est quoi plus Tricot Machine. Il y en a plein qui connaissent L'Ours, mais que c'est la seule chanson qu'ils connaissent, tu sais. Puis, je veux dire, L'Ours, c'est une chanson qui donne une impression vraiment facilement, tu sais. C'est une chanson très, très caractérisée, là, qui a une grosse personnalité, tu sais, puis qui transporte un peu, l'idée qu'on fait de la musique pour enfants, tu sais, d'une certaine façon, tu sais. Puis beaucoup de personnes ont juste entendu ça de ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a un côté naïf, tu sais, mais il y a quand même pas, tu sais, c'est pas que ça, l'image. Sauf que la plupart du monde connaissent que cette chanson-là parce qu'elle a passé à C'est quoi, puis à Radio Énergie, tu sais. Mais moi, je pense que ça a beaucoup marché par vagues aussi. Il y a eu la vague du lancement, puis ça avait été préparé, ça, quand même. Le terrain avait été préparé par la compagnie de disques. Ils avaient envoyé des disques un peu partout. Fait que, tu sais, c'était attendu, puis le lancement, mais ça a fonctionné. Fait que ça, c'est le fun. Puis, ben, toute la promo était bonne, puis on a eu un super bel appui de Radio-Canada aussi, là. Fait que tout ça, c'était des petites choses au début qui ont créé un petit engouement. Puis je pense que le deuxième buzz, c'était au Franco. Puis après ça, ben, il y a eu la disque. Puis là, on est comme dans une troisième période un peu... des petites, tu sais, ça fait une grosse vague, pleine de petites vagues dedans. On se plante sur le cimet, cherche le sens de la vie, laisse tomber, enlève tes petits trous, t'en sais assez. à part une coupe d'années sur la dérape. On se calme deux, trois cafés, puis on se rattrape. Si tu cherches la bougie d'allumage, viens mettre ton petit doigt dans l'engrenage. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, on t'aime en vain temps. On jase, on se fait la cour. On s'aime, on doute, on casse, on se traîne en cours. La bourse ou bien la vie, j'pingue les nerfs. J'vous ai dit de garder les mains en l'air. Les pieds dans mes pantoufles, j'ai perdu le rythme. Quand tu meurs des moutes, ça tourne trop vite. Après un bon bibon emmuré, on me creuse un petit trou, j'suis expiré. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, beau temps, mauvais temps. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, beau temps, mauvais temps. Tricomachine et Beau temps, mauvais temps en cinquième position anglophone descendent de trois places, n'est-ce pas, Elisabeth? Mm-hmm. Mm-hmm. Justement, c'était une partie de l'entrevue qu'on a fait avec Tricomachine lundi dernier. Oui. Oui. Et les gens qui ont aimé cette petite partie-là de 5 minutes, là, sachez que c'est le quart de l'entrevue. My gosh! Elle dure 22 minutes et vous allez l'entendre au complet si vous êtes les vendredis soirs. Restez avec nous parce qu'à 19h30, c'est fou présente. Introduction au Tricot Machine. J'anime ça à 19h30 vendredi soir. Les autres, ben allez sur Internet parce qu'elle va être là très bientôt. Génial! Oui, entrevue très divertissante ou même à un moment donné, ils se mettent à chanter. Ah, sur oui, Catherine oui. Chante. Ah, c'est bull, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre comme question aussi? Les vidéoclips? Oui. S'ils avaient aimé ça? Qu'est-ce qu'ils écoutent dans leur voiture? Et leur iPod? Ah, oui, et justement, c'est succulent. C'est justement là où est-ce qu'ils se mettent à chanter. Oh, ah, c'est bon. Aussi, ils nous expliquent la différence entre leur formule duo et leur formule band lors dans spectacle. Les spectacles. Et la raison qu'ils étaient en entrevue, et on n'a pas entendu dans l'entrevue parce que bon, c'est les 5 premières minutes, mais ils vont être le 1er décembre à la Maison de la Culture, salle Anaïs Allard-Rousseau, ici à Trois-Rivières. Oui, certes! C'est vrai, hein? Ah, salle Anaïs Allard-Rousseau. Dur à dire, hein? Anaïs Allard-Rousseau. Oui, pas facile. Pas facile. Ça rentre mal, des fois. On s'agace. Donc, l'entrevue avec Tricot Machine, voilà pour ça. On enchaîne avec notre position numéro 5 anglophone, c'est Civil avec Nazami. Tout de suite, au palmarès, c'est faux, 89.1. Reste là, tantôt, on parle du zone campus. Le numéro 5 anglophone, c'est stable. Steve Hill et Naza Made de l'album Devil at My Heels. Maintenant, Elisabeth est encore là avec moi. Elle est là pour sa vraie tâche, sa mission. Sa, comment dire, elle est envoyée de l'au-delà. Pour nous parler, disons, de l'au-delà étant le bunker du journal. Au-delà. Sous-sol. Au-delà du pavillon Wayne. Ouais, le sous-sol plutôt que l'au-delà, n'est-ce pas? C'est ça. Elle vient d'en bas, dans le fond. Elle sort des ténèbres. Merci. Pour venir parler du journal sur le campus qui sort lundi le 26 novembre. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Quoi de neuf? Pour les auditeurs du vendredi, mercredi dernier, soit le 21 novembre, il y a eu une superbe Assemblée générale de l'AGE UQTR et au cours de laquelle, bon, c'est une assemblée sans couverture, c'est pour ça que j'en parle, là. Une assemblée au cours de laquelle on a changé de cap à l'AGE. Ah ouais, donc on a voté pour prendre une nouvelle position par rapport au dégel ou gel, en tout cas, tout ce débat-là à propos des droits de scolarité, des frais de scolarité. La position est en doggy style, j'ai bien compris. Donc, oui, du gel à l'indexation, la couverture, le type de la couverture. Donc, on est passé, après avoir maintenu le gel pendant 2 ans, on est maintenant pro-indexation. C'est presque un semi-jeu de mots, ça, du gel à l'indexation. Hein. Presque avec l'hiver. Là. Ben oui. Gel à l'indexation. Oui, Mathieu. Ben, c'est ça? Oui, non? Oui. Ben oui, justement. Pour les petits curieux, ben... Ah, c'est vrai, ça, la caricature, hein? Une caricature, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est magnifique. Vous verrez c'est bien beau. Ça lundi. Bon, à l'intérieur, page 2, crise dans l'industrie des pâtes et papiers. Monsieur Vincent Côté-Léger, notre petit monsieur journaliste en actualité, a fait une entrevue avec la députée du Bloc québécois à propos de cela. Paul Brunel. Voilà. En page 3, bon, notre une, petit article sur le déroulement de cette merveilleuse Assemblée générale de 4 heures. 4 heures, brutal. Brutal. C'est pas tout le monde, justement, qui est resté. Ça a peut-être servi aussi à, en tout cas, à faire passer ou non certaines positions. Il aurait dû avoir un petit buffet, ça aurait aidé les gens à rester. Ben, non, moi, je pense plutôt qu'on aurait dû faire ça dans le cadre d'un grand, un gigantesque karaoké le mercredi soir au 10-12. Ah, le mercredi soir, ouais. Avec la danse et du karaoké. Ouais, ouais, moi, et je pense du hockey, je pense aussi, en même temps. Oui, quoi qu'il n'y ait pas tout le temps grand monde, mais ouais. Mais du karaoké puis le mercredi soir au 10-12, ça aurait été assez exceptionnel. Mm-hmm. Ouais. Un jour. Peut-être qu'ils comprendront. On va voir, ouais, ça pourrait être le sujet d'un prochain éditorial. Je sais pas, j'ai réfléchi encore. En page 4, la toujours succulente chronique de notre rebelle chroniqueur Cholette. Guillaume Cholette Jean. Chol. Ouais, Chol pour les intimes. Donc, je sais pas, un petit melting pot sur Noël, puis tout ce que ça lui fait penser. Puis, toutes sortes d'affaires, en fait, pour nous rendre joyeux dans ce morne novembre. Les étudiants internationaux, Trois-Rivières sauver l'immigration. Un éditorial en page 5 sur l'exode des jeunes en région. Mm-hmm, mm-hmm. Une problématique très régionale pour les jeunes. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Un vox pop, selon vous, quand devrions-nous mettre dans les... nous mettre dans l'esprit. Quand devrions-nous nous mettre? Oui, en fait. C'est la question vox pop de cette semaine. C'est ça, parce qu'en fait, vous savez que genre depuis le 10 décembre à Trois-Rivières, il y a comme un Père Noël dans le centre d'achat. Ah! C'est pas très jojo. C'est un petit peu de bonheur. Petite affaire, une petite affaire. Voilà. Ensuite de ça, vite. Bon, oui, vite. La montée du art. Mm-hmm. Une petite lettre d'opinion, comment réagir au dégel. Ah. Aussi, le français chez nos futurs enseignants, le doute plane. On a interrogé le professeur à l'UQTR. La feuille débarque à l'UQTR, puis c'est ça. Ça fait le tour d'actualité. Bon, on a un spectacle maintenant. On a le temps. On okay. a le temps, ben, on a toujours le temps. Pour toi, Elisabeth, voyons, là. On n'est jamais serré dans le temps ici. Hein. Jamais. Jamais tête. Bon. Bah. Donc, vas-y. Kino 3R, faire bien avec rien, faire mieux avec peu, le faire maintenant. C'est leur moto, leur slogan. Ouais, c'est ça. Donc, un petit article, parce que, bon, vous savez qu'avant, les soirées Kino avaient lieu au Maquisard. Puis maintenant, bon, avec la fermeture du Maquisard, ça a été comme, comment dire, réorganisé, oui. Mais pour... tasser à un autre endroit. Tasser le Charlot. À un endroit plus populaire, là. Ouais. Vraiment, c'est le feu est pogné quasiment dans cette place-là, tellement c'est populaire, là. C'est ben, le Charlot. Oui, c'est plein, c'est ça le comble à chaque fois, là. Ouais, ben, je pense ouais, que c'est, ouais, la première fois. Que ça avait l'air sarcastique, mais pour vrai, il faut qu'ils revirent du monde parce que ça ne rentre pas. Ça... Comme elle dit, ça ne rentre pas. Wow! Le monde... Non, mais sérieusement, c'est big. C'est, cool. C'est ça, j'ai vu des photos, puis c'était assez incroyable. On aime ça. Tant mieux. Bon, tant mieux. Aussi, bon, une exposition à la Chasse-Galerie, mm-hmm. Une exposition en art visuel. Perrault, parce que Yann Perrault était comment on appelle ça, l'embuscade. À l'embuscade, le 15 novembre dernier, puis notre envoyé Cindy Bédard est allé voir le show et a fait un petit compte-rendu sympathique. De même qu'une petite brève sur son nouveau recueil qui s'appelle Perrault et la plume. C'est un recueil de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, les toutes chansons et tout. Ensuite, encore en art, Valsalva qui était en spectacle au Grand Bénus tout récemment. Tricot Machine, justement, bon, on a pris quelques bouts, si on veut, de l'entrevue radiophonique et on a transformé le tout dans une forme textuelle. C'est ce qu'on appelle du repurposing dans le domaine, c'est qu'on prend ce matériel et on lui donne une deuxième vie dans le journal. On peut faire ça comme du ça. Du recyclage. Du recyclage avec une magnifique photo prise à la chasse galerie. Ah, c'est joli, ça. C'est joli. Des beaux petits bancs, là. Ça aurait été le fun de le voir en brun et en beige en arrière, mais c'est des pages noir et blanc, malheureusement. C'est ça. Et bon, aussi, il y avait enfin, pour terminer, en arrêt spectacle, le Breeze Feeder qui était encore en embuscade cette semaine. La semaine dernière. C'est ça. Il y a quelques temps. Il y a quelques temps, là, bref. Et puis voilà, puis rapidement en sport. Mon Dieu, hey, c'est incroyable. Nous avons le temps, c'est comme c'est fou. Snap, snap, snap. Snap, snap. En natation, les trois Patriotes qualifiés pour le championnat canadien. Youpi! Nous avons peut-être négligé certains adversaires, dit M. Pierre Clermont, entraîneur-chef de l'équipe masculine de hockey. Retour sur la 8e édition de la nuit sportive. Sport, yeah. Courbature, plaisir et boisson énergétique. Petite affaire, là. Tout le fun avec la publicité, là. C'est allé, en tout cas. Gloup, gloup, gloup. Sur les effets sonores dans tes articles. C'est incroyable. Dans mes articles ou dans mes interventions? Dans tes interventions. Ouais, c'est ça. Patriot Hockey, succès et facilité de rime, pas toujours. Une espèce de petit. De petits compte-rendu des activités. Oui, voilà. Encore, Patriot Hockey, une expérience inoubliable au pays de l'oncle Sam. Ça fait de la lecture, ça. Hein? Oui, c'est des romans, ma foi. Donc, quand ils sont allés aux États-Unis. Faut vouloir, il écrit très bien, c'est Stéphane Robert. Aussi, bon, Patriot Golf, la meilleure année. Les Patriotes de la semaine aussi, soccer intérieur. Qui rêve de jouer avec les Patriotes? Et les statistics. Et comme toujours, c'est à cause que, tu sais, ils sont tellement belles qu'on les voit plus. C'est vrai que c'est joli. C'est joli pour ceux qui aiment les sports intramuraux, donc tous vos chiffres sont là. C'est le beau jeu. Oh, c'était beau, ça! C'était super joli. Je me suis forcé. C'est dans le prochain numéro du Zone Campus, en direct dans vos kiosques le lundi 26 novembre. En direct dans vos kiosques? En direct. Ah? Live and direct, comme on dit, dans le domaine. Du côté anglophone, voici la position numéro 4, Sandra Lurky, précédée de El Motor et Hippocampe. C'est comme si on plongeait dans l'eau. C'est quoi cet animal-là dans l'eau, là? Je crois que c'est un rodéo de poisson. Un rodéo de poisson? Ouais! Hey, on peut se faire des doigts de poulet et des doigts de poisson. On s'en reparle. Tu glisses dans la sacrée de ta chair. Thank you. Au retour, la musique de Sundry Lurky, Dragonette, Johnny 5 et les numéros 1. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou, et tout de suite, voici le numéro 4 anglophone, Sundry Lurky et To Be Surprised. Soyons tous surpris ensemble. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Fan club de Sundry Lurky. Hein? Une petite affaire quand même. Ouais, hein? Mm-hmm. Ah, c'est le fun! J'aime tellement ça. To Be Surprised de Sundry Lurky, de l'album de la trame sonore en fait de Dan in Real Life. C'est la quatrième anglophone montée de deux places. Et puis juste avant, c'était El Motor avec Hippocampe qui monte de deux places elle aussi. C'était aussi la sixième entrée la semaine dernière, la sixième position. Donc les deux sont comme attachés ensemble. Je regarde ça. On aime ça la stabilité, nous, assez fou. Oui, on aime ça. Uh-huh. Oui, c'est vrai. Ce qu'on aime aussi. Quoi? Aller entendre nos troisième positions, oh! C'est encore mieux. Du côté anglophone, ça commence à être très populaire, ça. Dragonette. avec I Get Around, c'est de leur album Galore. Ça monte de 4 places. Mais avant, voici Johnny 5 et Aimer être con. Oh, j'aime ça. Ça parle de moi. Au Palmarès, c'est fou au 89.1. FM? Ouais. Ah. Ah. Mes allocutions qui tenaient parti pris de mes opinions. Je ne voyais plus que la révolution. Je répétais la gueule à tous ceux qui disent non. Mais après mûre réflexion, j'ai fait quelques constatations. Qui donc se battra pour la nation si tout en fait dans son pantalon? Quand cesserons-nous d'aimer le camp? 51% de camp. Quand cesserons-nous d'aimer le camp? 51% de camp. Quand cesserons-nous d'aimer le camp? 51% de camp. Quand cesserons-nous d'aimer le camp? 51% de camp. Quand verrons-nous donc l'explosion de la plus grande diffusion? Les sourires et les exaltations de unis par l'émotion, la peur bien sûr et l'hésitation n'entraînent que peu de réactions. Mais où est donc l'indignation face à 51% de con? Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Peut-être jamais nous ne la fêterons, mais nous sommes pas vrais pour l'évolution. Alors s'il vous plaît, filles et garçons, j'aimerais avoir votre attention. Ça semble une grosse décision, mais en fait c'est une solution. À moins de toujours tourner en rond, à moins de toujours passer pour des cons. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Oui, j'ai rêvé, oui, de tout ça. Yeah. pense qu'elle s'en vient. Je pense. Qui? Dragonette. Here I come. Ben oui, bien sûr. OK. Dragonette avec I Get Around, la troisième position anglophone remontée de 4 places. J'ai jamais aucun sens. C'est bien normal de pas comprendre. Juste avant, c'était Johnny 5 avec Aimer être con, montée d'une place, 5e semaine de présence. Ça vient de leur album éponyme Johnny 5. Un petit peu à peine pressé dans le temps. Non, jamais. Jamais, rarement. Jamais. Ça arrive pas du tout. Voici le numéro 2 francophone. Et soit on part de l'Est. Oh, pas l'air assez fou, 89.1, quoi? FM. Ouais. Ouais. Ouais. Tout le temps. Ah, cette belle soirée, je tiens à vous dédier un beau grand moment d'une rare intensité. C'est sur le bord de la rivière, en plein mois de janvier. Assis sur le bord de la rivière, en train de prendre ma grosse bière. Une idée folle en plein hiver. Il faisait pas chaud, mais je pouvais relaxer. Et ce qui était belle fun, c'est qu'il y avait pas de danger. Que ces policiers m'empêchent du jeu de consommer. De ma tête faire sortir quelque chose d'inspirant à vous dire. Hey, j'arrivais pour me concentrer. Les pieds dans la neige, moi je rêve à l'été. Je vais pas me réveiller avant le mois de mai. Qui chantent des chansons, des écureuils qui s'inventent des danses. Ma guitare, le beau gazon vert et le doux ruissellement de la rivière. J'avais pas tout de saisie, si venait de sa fondure dans mon esprit. Le départ d'un chèvre très bien qui permet à 11 ans chanter à mon monter une de ces douleurs. Tomber nez à nez avec le trottoir, on monte dans la face, j'voyais plus rien que du noir aussi radical qu'un bon bout de bord de pas. J'ai vu des étoiles, y'en avait une fille, alors j'en ai donc profité pour un petit peu, et ben ça a marché. J'ai pu ouvrir les yeux. Le problème, c'était que j'y étais pas. J'ai revu des oiseaux qui chantaient pour moi, des écureuils qui jonglaient des noix, ma guitare, les filles du ciel bleu. On ne touchera jamais qu'avec nos yeux. Hey! Après deux jours de tâte dans le coma, je me suis réveillé mais je filais pas. J'étais pas seul, mon voisin était là. Pareil que sur l'heure du pays, j'étais en train de péter. J'aurais perdu pied à un moment donné sur une plaque de glace. C'était que j'étais en pleine, pleine commotion. Merry-Go-Run avec Jaxio Seagull, la deuxième position anglophone. C'était le numéro 1 la semaine dernière. C'est une formation locale avec des gens de l'UQTR, entre autres, là, des gens sympathiques. Oui. Avec des belles bedaines, vous avez vu leurs photos partout, là. Eh hey, oui, ils ont sorti leur nouveau CD, je crois. Oui. Un ou deux jours, un peu. Non, non, non, ça fait quand même assez deux semaines, je pense. Tu penses? Oui, ça fait quand même assez. Ah, ben, ça se peut que leur lancement était il y a deux jours. Oui, c'est ça, ça. Oui, oui. C'est ça. Leur album, c'est Lights and Elements. Hum. Ouais. Avec les bedaines. Que de beden. Que de. Que de. Du côté anglophone, on s'en va entendre notre numéro 1. Oh, non, on ne les mentionne pas. Par contre, les deux numéros 1 des deux côtés, on s'en va les entendre tout de suite, là, parce que c'est ça, là. Ouais. C'est faux. La distance d'ici la fin de l'émission n'est pas très longue. J'en cherche d'autres, des jeux de mots comme ça. Peut-être que tu préfères un petit peu de télépathie et me dire combien t'en reste, exactement. Je te fixe des yeux, là. Je vais pas finir seul. J'essaye, peut-être je comprends rien. Ou ça m'arrange de rester dans mon coin, toujours une distance entre ce que je fais et ce que je pense. Fin des palmarès, c'est faux, bien entendre le numéro 1 francophone téléphérique avec À Distance, qui monte de 4 places. Du côté anglophone, on s'en va entendre Coheed and Cambria avec The Running Free, qui monte d'une place. Ça va être la fin, ça, cette pièce-là. C'est plate, mais c'est le même. Maman, c'est fini! Mais on me confirme que je serai de retour à 19h30 le vendredi soir pour l'émission spéciale Introduction aux tricot machines. Il est si sympathique. Mais avant 19h, les vendredis soirs, c'est évidemment dans la question avec Luc Archambault et Mathieu Saint-Onge. Après ça, on y va dans un désordre total. Kiwan avec la dernière porte à gauche à 20h, Mephisto à 21h, Electrochoc à 23h et Choix de l'enfer à 1h du matin. Les autres auditeurs, vous êtes fins pareil. La connexion, moi j'anime ça les lundis matins à 11h en rediffusion les jeudis. J'anime aussi la chance au coureur les vendredis matins à 10h. Les palmarès sont en direct le vendredi soir à 17h, ainsi que les mercredis et jeudis après-midi. Soyez là pour ça. Et quel est votre nom déjà? Mathieu Plante est mon nom. Le tien étant Elisabeth Marino. Dernière nouvelle, c'est encore ça, oui. Donc, Elisabeth Marino, revoir à vous. Au revoir, Mathieu Plante. Hein? C'est beau. Je hein? m'ennuie déjà. Ah, moi aussi, jusqu'à la semaine prochaine. Faites donc attention à vos genoux, Madame Marino. Et puis, bonne journée et bonne chance. OK. Ben oui. C'est le même. On doit se partir un band, ça pourrait être Mathilde et Elisabeth Tia. On pourrait faire le numéro 1 nous aussi. Oui. Comme Coïd and Cambria. Elisabeth et Mathia. Je sais pas si t'entends, Mathieu, mais moi j'entends une mouche qui vole. Hop, OK. C'est pas fin ça. Oh. C'est des criquets qu'on fait d'habitude. J'en ai pas. T'as pas ça stock? Non! Ah.